10 avril. Mon Dieu merci, tout s'est encore bien passé hier soir. Je ne pouvais vraiment pas faire appel plus longtemps au jardinier. Cela aurait fini par devenir ridicule. Après avoir fermé la porte, j'ai donc poussé la clé en dessous, ce qui m'a obligé ce matin à demander à la servante de me délivrer. Mais, en réalité, la précaution que j'avais prise n'était pas nécessaire, car je n'ai jamais eu un seul instant le désir de m'échapper. 3 soirs de suite, chez moi, je touche certainement à la fin de mes peines, car Wilson sera de retour demain, si ce n'est aujourd'hui. Lui dirai-je ou non ce qui m'est arrivé ? Je suis convaincue qu'il ne me témoignerait pas la moindre marque de sympathie. Il verrait seulement en moi un cas intéressant et lirait un mémoire à mon sujet à la prochaine réunion de la Société des recherches psychiques, mémoire dans lequel il envisagerait gravement la question de savoir si je n'ai pas menti de propos délibérés ou si, au contraire, je ne suis pas déjà dans les premiers stages de la folie. Non, assurément, ce n'est pas de la part de Wilson que je dois attendre des paroles réconfortantes. Je me sens si bien portant et si dispo que je m'étonne moi-même. Je n'ai jamais fait mon cours avec autant d'entrain. Ah, si seulement je pouvais me débarrasser de cette ombre qui obscurcit mon existence, comme je serais donc heureux, jeune, assez bien renté, bien en vue dans ma profession, fiancé à une jeune fille aussi belle que charmante, n'ai-je pas, entre les mains, tout ce qu'un homme peut désirer ? Une chose, une seule, me tracasse. Mais quelle chose ! Minuit. Je deviendrai fou. Oui, c'est ainsi que cela se terminera. Je deviendrai fou. C'est tout juste si je ne suis pas en train de le devenir en ce moment même. Ma pauvre tête qui s'appuie sur ma main fiévreuse est pleine de bruits étranges. Je frissonne de tous mes membres comme un cheval ombrageux. Oh, quelle nuit j'ai passée ! Et pourtant, j'ai lieu aussi d'être satisfait jusqu'à un certain point. Au risque de devenir la fable des domestiques, j'ai glissé cette fois encore ma clé sous la porte afin de m'emprisonner pour la nuit. Puis, trouvant qu'il était encore trop tôt pour me coucher, je me suis étendue tout habillée sur mon lit et j'ai commencé la lecture d'un roman de Dumas. Tout à coup, je fus empoignée et traînée à bas de mon lit. Il n'y a pas d'autre mot pour donner une idée du caractère irrésistible de la force qui s'est abattue sur moi. Je me suis agriffée aux couvertures. Je me suis cramponnée aux boiseries. Je crois même, tant mon émoi était grand, que j'ai laissé échapper des cris ou tout au moins des plaintes. Tout cela était inutile, désespérément inutile. Il me fallait partir, coûte que coûte. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ce n'est qu'au début seulement que je cherchais à résister. Bientôt après, la force qui m'attirait était devenue tellement puissante que je n'étais plus en état de m'y opposer. C'est un bonheur que personne ne se soit trouvé là pour me surveiller et me barrer la route, sans quoi je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et chose curieuse, en même temps que la résolution de sortir à tout prix s'emparait de moi, je me sentais une perspicacité remarquable pour trouver les moyens d'y parvenir. Ayant allumé une bougie, je m'efforçais, en m'agenouillant devant la porte, de ramener la clé à l'intérieur, en l'attirant vers moi à l'aide des barbes d'une plume d'oie. La plume étant, un tant soit peu trop courte, je n'ai réussi qu'à repousser la clé encore davantage. Mais je ne me décourageais pas pour cela, et avec le plus grand calme et la plus grande ténacité, j'allais chercher dans un tiroir un long coupe-papier grâce auquel je parvins enfin à ravoir ma clé. Alors j'ouvris la porte. Je passai dans mon cabinet. J'y pris une photographie de moi qui se trouvait sur mon bureau et que je glissai dans ma poche après y avoir écrit quelques mots en travers, et je me mis en route. Je me rendais parfaitement compte de ce que je faisais, mais tous les actes que j'accomplissais me semblaient indépendants du reste de ma vie, comme le pourraient être les divers épisodes d'un rêve, si distinct fut-il. J'étais doué d'une conscience spéciale et comme dédoublé. Il y avait d'une part la volonté étrangère et prépondérante qui cherchait à m'attirer vers celle à qui elle appartenait, d'autre part la personnalité mollement rebelle en laquelle je reconnaissais mon moi qui cherchait vainement à s'affranchir de l'impulsion implacable à laquelle elle était en butte, à la manière d'un terrier en laisse qui tire sur sa chaîne. Je me rappelle avoir établi une distinction entre ces deux forces contradictoires, mais je n'ai gardé aucun souvenir de mon passage à travers les rues, ni de la manière dont je fus admis dans la maison. Par contre, ce qui m'a laissé une impression très nette, c'est la façon dont me reçut Mademoiselle Penelosa. Elle était renversée sur le canapé, dans le petit boudoir où avaient ordinairement lieu nos expériences, la tête appuyée sur l'une de ses mains et une sorte de couverture en peau de tigre ramenée sur elle. Lorsque j'entrai, elle releva la tête d'un air plein d'expectative, et comme la lumière de la lampe éclairait son visage, je remarquai qu'elle était très amaigrie, très pâle, et qu'elle avait les yeux creux et profondément cernés. Elle me sourit et m'indiqua un tabouret à côté d'elle. Ce fut de la main gauche qu'elle me l'indiqua, et moi, m'avançant avec empressement, je la pris entre les miennes. Je me fais horreur quand j'y songe, et la pressai passionnément contre mes lèvres. Ensuite, m'asseyant sur le tabouret et conservant toujours sa main dans les miennes, je lui donnai la photographie que j'avais apportée en venant et me mis à lui parler intarissablement de mon amour pour elle, de mon chagrin en apprenant qu'elle avait été malade, de ma joie de l'avoir rétablie, du tourment que c'était pour moi chaque fois qu'il me fallait passer une soirée sans la voir. Elle se tenait toujours paisiblement renversée en arrière, me regardant de haut avec ses yeux autoritaires et me souriant de son sourire engageant. Une fois, il m'en souvient, elle me passe la main sur les cheveux, comme on caresse un chien, et cette caresse me procura une sensation de plaisir. Je me suis senti frémir au contact de sa main. Je lui appartenais corps et âme, et pour l'instant, je me réjouissais de cet esclavage. Et c'est alors que se produisit un bienheureux changement. Qu'on ne vienne jamais me dire après cela que la Providence n'existe pas. J'étais au seuil de la perdition. Mes pieds touchaient le bord de l'abîme. Fût-ce une simple coïncidence si, à cet instant même, je vis le secours m'arriver ? Non, non et non, il y a une providence, et c'est sa main qui m'a empêché de tomber. Il existe de par l'univers quelque chose de plus fort que cette femme diabolique et que tous ses maléfices. Ah, qu'il m'est doux de le penser ! Tandis que je relevais les yeux pour la regarder, j'eus conscience qu'un changement s'opérait en elle. Sa figure, déjà pâle auparavant, était à présent livide. Ses yeux avaient perdu leur éclat, et ses paupières retombaient lourdement. Mais surtout, l'air de sereine confiance dont ses traits avaient été jusqu'alors empreints avait disparu. Son front était barré de rides soucieuses. Elle était indécise et effrayée. Et pendant que je suivais les phases de cette métamorphose, mon esprit à moi oscillait, luttait, faisant tous ses efforts pour s'arracher à l'étreinte qui le retenait, étreinte qui, d'instant en instant, se relâchait davantage. « Austin, murmura-t-elle, j'ai voulu en trop faire. Je n'ai pas eu la force. Je ne suis pas encore complètement remise de ma maladie. Mais je ne pouvais vivre plus longtemps sans vous voir. Vous ne me quitterez pas, dites Austin. Ce n'est là qu'une défaillance passagère. Si vous voulez seulement m'accorder 5 minutes, je vais me ressaisir. « Donnez-moi le carafon qui est sur la petite table vers la fenêtre. » Mais j'avais déjà repris possession de moi-même. À mesure que ses forces s'en allaient, son influence avait diminué, et elle avait fini par me laisser libre. Et j'étais maintenant agressif, assurément, farouchement agressif. Pour une fois, du moins, je pourrais faire comprendre à cette femme quels étaient les véritables sentiments que j'éprouvais à son égard. Mon âme était remplie d'une haine aussi bestiale que l'amour qu'elle m'avait inspiré malgré moi. C'était la réaction qui s'opérait, la colère sauvage et meurtrière du cerf révolté. Je me tenais à 4 pour ne pas empoigner sa béquille et m'en servir pour l'assommer. Elle leva ses mains au-dessus de sa tête comme pour se préserver d'un coup et se recula dans le coin du canapé en s'éloignant de moi le plus possible. « Le cognac !» suffoqua-t-elle. « Le cognac !» Je saisis le carafon et j'en renversai le contenu sur les racines du palmier qui était devant la fenêtre. Puis je lui arrachai ma photographie des mains et la déchirai en 1000 morceaux. « Misérable ! » lui criai-je. « Si j'accomplissais mon devoir envers la société, vous ne sortiriez jamais d'ici vivante. »« Je vous aime, Austin !» larmoya-t-elle. « Oui, m'exclamai-je, et vous avez aimé Charles Sadler avant moi. » Et combien d'autres encore, avant lui ? Charles Sadler, bégaya-t-elle. Il vous a donc parlé ? Vraiment ? Charles Sadler ! Sa voix sortait de ses lèvres blêmes comme le sifflement d'un serpent. Oui, oui, je vous connais, et les autres apprendront à vous connaître à leur tour, abjecte créature que vous êtes. Vous n'ignorez pas dans quelle situation je me trouvais, et malgré cela, vous avez eu recours à votre abominable pouvoir pour m'attirer à vos côtés. Peut-être recommencerez-vous encore, mais au moins, vous pourrez vous rappeler m'avoir entendu dire que j'aime de tout mon cœur Mademoiselle Marden, et que vous, je vous déteste et vous hais. Rien que de vous voir et d'entendre le son de votre voix, cela me remplit d'horreur et de dégoût. Le seul fait de penser à vous m'inspire de la répugnance. Voilà quel sentiment j'éprouve à votre égard. Et s'il vous plaît de m'attirer vers vous de nouveau, comme vous l'avez fait ce soir, vous n'aurez en tout cas qu'une bien pauvre satisfaction, je pense, à vouloir faire un amoureux de celui qui vous a déclaré tout net ce qu'il pensait de vous, en réalité. Vous pourrez me mettre les paroles que vous voudrez dans la bouche. Mais vous ne pourrez pas faire autrement que de vous souvenir. » Je m'arrêtai, car elle avait renversé la tête en arrière et perdu connaissance. Elle ne pouvait supporter d'entendre ce que j'avais à lui dire. Quelle satisfaction pour moi de penser que, quoi qu'il arrive plus tard, elle ne pourra jamais plus se méprendre sur mes véritables sentiments à son endroit. Mais qu'adviendra-t-il dans l'avenir? Que va-t-elle faire dorénavant? Je n'ose y penser. Aussi seulement elle pouvait me laisser tranquille, mais quand je songe à ce que je lui ai dit, n'importe, j'aurais toujours été le plus fort, pour une fois. 11 avril. J'ai à peine dormi cette nuit, et je me suis senti si fatigué et si fiévreux ce matin que j'ai été obligé de prier Prat Haldan de faire mon cours à ma place. C'est la première fois que pareille chose m'arrive. Je me suis levé à midi, mais j'ai mal à la tête, mes mains tremblent, mes nerfs sont dans un état pitoyable. J'ai eu ce soir une visite à laquelle je ne m'attendais guère, celle de Wilson. Il revient de Londres, où il a donné des conférences, lu des mémoires, organisé des réunions, démasqué un médium, dirigé une série d'expériences sur la transmission de la pensée, reçu le professeur Richet de Paris, passé des heures à regarder dans une boule de cristal, et formé quelques conclusions sur le passage de la matière à travers la matière. Tout cela, il me l'a débité d'un seul jet. « Mais vous, s'écria-t-il enfin, vous n'avez pas l'air en train, et Mademoiselle Penelosa est tout abattue aujourd'hui. Où en sont vos expériences ?»« Je les ai abandonnées. »« Allons donc, et pourquoi ?»« Parce que le sujet m'en paraissait dangereux. » Il tira aussitôt de sa poche son gros carnet brun. « Voilà qui est très intéressant, dit-il. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire que vous le trouvez dangereux ?» Ayez l'obligeance de m'exposer les faits dans leur ordre chronologique, avec les dates approximatives et les noms des témoins dignes de foi, avec leur adresse. Tout d'abord, lui demandai-je, veuillez me dire si vous avez enregistré des cas où l'hypnotiseur acquérait une influence prépondérante sur son sujet et s'en servait dans de mauvais desseins. Par douzaine, s'écria-t-il exultant, le crime par suggestion. Ce n'est pas de la suggestion que je veux parler. J'entends une impulsion soudaine, émanant d'une personne éloignée, une impulsion irrésistible. « L'obsession, alors » s'exclama-t-il dans un transport de ravissement. « C'est l'état le plus rare. Nous en avons 8 cas, dont 5 bien attestés. Est-ce que par hasard ?»« Non, non, » répondis-je. « Bonsoir, vous m'excuserez, mais je ne me sens pas très bien ce soir. » C'est ainsi que je me débarrassai enfin de lui, tandis qu'il brandissait encore son crayon. Mes tourments sont pénibles à endurer, mais j'aime encore mieux les garder pour moi seul que de donner à Wilson l'envie de m'exhiber comme une bête curieuse dans une fête. Il ne voit plus chez les autres des êtres humains. Tout pour lui représente un cas ou un phénomène. Plutôt mourir que de lui reparler jamais de cette question-là. 12 avril. Hier a été une journée de tranquillité bénie, et j'ai eu le bonheur de passer une nuit sans inquiétude. La présence de Wilson est une grande sécurité pour moi. Que peut me faire cette femme désormais? Assurément, lorsqu'elle m'a entendu lui dire ce que j'avais à lui dire, elle a dû éprouver pour moi autant de répulsion que j'en éprouvais pour elle. Il ne se peut pas, non, certes, il ne se peut pas qu'elle veuille se faire un amoureux d'un homme qui l'a insulté. Non, je crois que je n'ai plus rien à craindre de son amour. Mais en pourrais-je dire autant de sa haine? Ne serait-elle pas capable d'user du pouvoir qu'elle possède pour se venger de l'affront que je lui ai fait? Bah, à quoi bon m'épouvanter avec des ombres? Elle ne pensera plus à moi, je ne penserai plus à elle, et tout sera dit. 13 avril. Ma nervosité est tout à fait passée. Je crois vraiment que j'ai vaincu une fois pour toutes cette créature maudite. mais je dois avouer que je vis constamment dans l'attente. Elle doit être bien rétablie à présent, car j'ai entendu dire qu'on l'avait vue passer en voiture avec M. Wilson dans la Grand-Rue. 14 avril. Comme je voudrais pouvoir me sauver d'ici, dès maintenant. Je courais rejoindre Agatha le jour même de la fermeture des cours. Je suis sans doute d'une faiblesse pitoyable, mais il est un fait certain, c'est que cette femme me met dans une anxiété terrible. Je l'ai revue et je lui ai parlé. C'était aussitôt après le déjeuner et j'étais en train de fumer une cigarette dans mon cabinet lorsque j'entendis dans le corridor le pas de ma servante Murray. J'eus vaguement conscience que quelqu'un la suivait et je m'étais à peine donné le temps de deviner qui cela pouvait être lorsqu'un léger bruit me fit soudain bondir de mon fauteuil tout frissonnant d'appréhension. Je n'avais pas particulièrement remarqué auparavant quel genre de bruit faisait le heurt d'une béquille sur le plancher. Mais, tout de suite, le frémissement de mes nerfs m'avertit que c'était cela que j'entendais. Le choc sec du bois, alternant avec le coup plus sourd produit par le pied. Un instant après, la domestique l'avait introduite. Je n'essayais pas de me conformer, ni elle non plus du reste, aux règles ordinaires de la politesse. Ma cigarette, à demi éteinte entre les doigts, je me contentais de rester à ma place, sans bouger, en la regardant entrer. Elle aussi me regarda longuement, en silence, et son regard me rappela que, sur ces pages mêmes, j'avais cherché à définir l'expression de ses yeux et à décider s'ils étaient furtifs ou farouches. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'hésitation permise. Ils étaient farouches, froidement, inexorablement farouches. « Eh bien, me demanda-t-elle enfin, êtes-vous toujours du même avis que lors de notre dernière rencontre ? Je n'en ai jamais changé. « Comprenons-nous bien, professeur, reprit-elle d'une voix lente. Il est scabreux de s'amuser avec moi, comme vous devez vous en rendre compte. C'est vous qui m'avez demandé d'entamer cette série d'expériences. C'est vous qui avez gagné mon affection. C'est vous qui m'avez apporté votre portrait, revêtu d'une dédicace affectueuse. Et enfin, c'est vous qui, le même soir, avez jugé opportun de m'outrager de la façon la plus injurieuse, me parlant comme jamais aucun homme n'avait osé me parler jusqu'à ce jour. Avouez que ces paroles vous ont échappé dans un moment de colère, et je serai toute prête à les oublier et à les pardonner. Vous ne pensiez pas ce que vous avez dit, n'est-ce pas ? Vous ne me détestez pas. » J'étais presque tentée de plaindre cette malheureuse contrefaite. Un tel désir d'aimer s'était si brusquement révélé au fond de ses prunelles menaçantes. Mais je repensais à tout ce que j'avais enduré à cause d'elle, et mon cœur devint dur. « Si vous m'avez jamais entendu vous parler d'amour, répliquai-je, vous savez fort bien que c'était votre voix qui parlait, et non la mienne. Les seules paroles de vérité que j'ai pu vous adresser furent celles que je prononçais lors de notre dernière entrevue. Je le sais, quelqu'un vous a excité contre moi. C'est lui. » Elle frappa avec sa béquille sur le plancher pour indiquer mon voisin d'en dessous. Or, vous n'ignorez pas que, si je le voulais, je pourrais, à l'instant même, vous contraindre à vous coucher à mes pieds comme un épagneul. Il ne vous arrivera plus de me surprendre dans un moment de faiblesse où vous puissiez m'insulter avec impunité. Prenez garde à ce que vous faites, professeur Gibroy. Vous êtes placé dans une situation terrible. Vous ne vous êtes pas encore rendu compte de l'ascendant que j'ai sur vous. Je haussai les épaules et me détournai. « Eh bien, reprit-elle après une pause, puisque vous méprisez mon amour, nous verrons un peu ce que je pourrais obtenir de vous avec la peur. Vous souriez maintenant, mais un jour viendra où, à grands cris, vous me supplierez de vous pardonner. Oui, tout fier que vous êtes, vous ramperez dans la poussière devant moi, et vous maudirez le jour où, de votre meilleur ami, vous avez fait votre pire ennemi. Prenez garde, professeur Gibroy. » J'entrevis une main blanche qui s'agitait en l'air et un visage qui n'avait presque plus rien d'humain, tant il était grimaçant de colère. Un instant après, elle était partie et j'entendis dans le corridor son étrange bruit de clochement qui allait, s'éloignant, accompagné à brefs intervalles de coups de béquille. En attendant, elle m'a mis l'inquiétude dans l'âme. Des pressentiments vagues de malheurs à venir m'assaillent à chaque instant. C'est en vain que j'essaie de me persuader que les menaces qu'elle m'a faites ne sont pas que des paroles en l'air, inspirées par la colère. Je me rappelle trop bien le regard implacable de ses yeux pour supposer qu'il en soit ainsi. Que dois-je faire ? Ah oui, que dois-je faire ? Je ne suis plus le maître de mon âme désormais. À n'importe quel moment, cet exécrable parasite peut s'insinuer en moi. Et alors ? Il faut que je confie à quelqu'un mon hideux secret. Il le faut, sans quoi je deviendrai fou. Si encore j'avais quelqu'un pour me témoigner un peu de sympathie et me donner des conseils. Wilson, il ne faut pas y songer. Charles Sattler, lui, ne me comprendrait que dans la mesure de ce qu'il a vu lui-même. Pratt Haldan. Voilà un homme bien équilibré, un homme de grand bon sens et plein de ressources. J'irai le trouver, je lui raconterai tout. Dieu veuille qu'il soit capable de me conseiller. 6h45 du soir. Non, c'est inutile. Il n'y a personne en ce monde qui puisse me secourir. Il faut que je me résigne à lutter tout seul. J'ai le choix entre deux parties. Ou bien faire la cour à cette femme, comme elle désire, ou bien supporter toutes les persécutions qu'il lui plaira de m'infliger. Même si elle ne me fait rien, je vivrai perpétuellement dans un enfer d'appréhension. Eh bien, elle peut me torturer. Elle peut me rendre fou. Elle peut me tuer. Jamais, jamais je ne céderai. Quel que soit le supplice qu'elle m'inflige, il ne sera pas si cruel que celui de perdre Agatha et de savoir que j'ai forfait à mon honneur de galant homme. Pratt Haldan s'est montré fort aimable et a écouté mon récit avec la plus grande politesse. Mais lorsque je me suis prise à considérer ses gros traits, ses yeux endormis et l'ameublement lourd et massif au milieu duquel il vivait, j'ai senti que je ne pourrais guère le prendre comme confident pour une question aussi délicate. Tout cela était si substantiel, si matériel. Et puis d'ailleurs, qu'aurais-je moi-même répondu, il y a un mois à peine, si l'un de mes confrères était venu me raconter une semblable histoire d'obsession démoniaque ? Peut-être aurais-je témoigné d'une patience moins grande que la sienne. Quoi qu'il en soit, il a pris note de mes explications, m'a demandé quelle quantité de thé je buvais, combien d'heures je dormais, si je m'étais surmené ces derniers temps, si j'avais des élancements dans la tête, des cauchemars, des tintements dans les oreilles, des éblouissements dans les yeux, autant de questions indiquant qu'il croyait devoir imputer à une congestion cérébrale la cause de mon tourment. Finalement, il me congédia après m'avoir conseillé de prendre de l'exercice au grand air, d'éviter les sujets de surexcitation nerveuse et d'éviter un tas d'autres platitudes de ce genre. Je fis une boulette de son ordonnance dans laquelle il indiquait comme calmant le chloral et le bromure et la jetai au ruisseau. Non, personne en ce monde ne peut me venir en aide. Si je demande avis à d'autres encore, je m'expose fort à ce qu'ils tiennent conseil entre eux et décident de me faire interner. Il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains en souhaitant qu'il y ait encore un Dieu pour les honnêtes gens.